Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici le journal de ce jeudi 10 novembre 2022, dont voici les principaux titres. La République arabe d'Égypte compte construire l'ambassade du Burundi dans sa capitale politique. L'annonce est du numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye. Vous le suivrez tout au début de ce journal. Le gouvernement a entamé la fermeture des unités de transformation de jus de gingembre, ce qui pourrait faire un impact socio-économique sur la population et le pays. C'est l'analyse de Jean-Marie Vianney Ndolichima, spécialiste en droit des affaires. Et en province, les responsables administratifs et techniciens vétérinaires communaux de la province Bururi sont appelés à identifier les sites de vaccination pour la réussite de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. Voilà pour l'essentiel de ce journal, mis en onde par Anselme Irambona et présenté par Aïseliane Inamahoro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. L'Égypte a promis au Burundi la construction de l'ambassade du Burundi en Égypte. Cette promesse émane d'une rencontre entre le président burundais et celui de l'Égypte en marge du sommet de la COP 27 sur le climat. De son retour de l'Égypte ce mercredi, le président Evariste Ndayishimiye salue la coopération entre les deux États. Suivez-le, il est traduit en français par Alain Désiré Wukeinez. Nous nous sommes rencontrés avec le président de l'Égypte, on s'est parlé et on a analysé ensemble l'évolution des projets que l'on s'était fixé à réaliser. Nous avons trouvé que le Burundi est dans la bonne voie de normalisation des relations diplomatiques et que les experts sont en train de mettre en œuvre ce qu'on s'était convenu, mais aussi qu'il y a une parfaite collaboration entre le service de défense nationale, la police et le service de renseignement et qu'il y a un pas déjà franchi. Il a voulu savoir également la situation actuelle du Burundi après la pandémie de la COVID-19 et la guerre en Ukraine. Nous lui avons répondu que cela touche plusieurs pays, y compris le Burundi, et surtout que le Burundi est dans le processus de bénéficier de la levée des sanctions, raison pour laquelle nous bénéficions toujours des appuis de la part de différents partenaires financiers. C'est dans ce même contexte que l'Égypte a promis la construction de l'ambassade du Burundi en Égypte, y compris tout le matériel nécessaire, car il a déjà constaté que le Burundi est confronté à beaucoup de défis. Il nous a beaucoup aidés, car il a épargné le Burundi à une chose pas facile, de location. Nous nous en réjouissons et nous espérons que cela nous permettra d'aller de l'avant. Très heures précises dans les studios de la radio Isanganiro. Le journal continue. La fermeture des unités de transformation de jus à base de gingembre a un impact socio-économique sur la population et le pays. Analyse d'un spécialiste en droit des affaires, Jean-Marie Vianney Ndolichimaye, explique que les investisseurs en ce domaine perdent leurs capitaux. Par conséquent, ils ne paieront plus d'impôts ou taxes. Il insiste que la transformation de tels jus doit nécessairement impliquer les chercheurs de renom. Ce professeur d'université à l'Université du Burundi suggère la poursuite judiciaire pour ceux qui violent la loi en la matière. Suivez-le. L'usine, une unité de transformation qui est fermée, il y a d'abord la perte de l'emploi. Les travailleurs qui perdent des revenus et leurs familles peuvent avoir des problèmes économiques. Deuxièmement, ceux qui ont créé ces unités de transformation perdent parce que les produits qu'ils ont eus ne peuvent plus être liquidés. Troisièmement, si ces unités payaient des impôts, bien sûr que les impôts ou les taxes ne seront pas payés. Mais la question qui se pose est celle-ci, faut-il laisser les activités économiques continuer au moment où on a découvert que ces activités peuvent détruire la santé humaine? Et là, je pense que ce qui serait plus utile pour les industriels, pour les commerçants, c'est d'abord de penser à la santé humaine. La santé humaine n'a pas de valeur matérielle. Alors là, ce qui devrait être fait normalement, c'est que ce soit les producteurs, les industriels, les commerçants, il y a vraiment des règles internationales et des règles nationale en matière de transformation des produits alimentaires. Et là maintenant, ils doivent mettre en avant la valeur humaine. Nous pourrons demander au BBN, le Bureau Burundais de Normalisation, qui doit normalement suivre de près ce que les unités de transformation, les usines, etc. font, produisent, de prendre le devant, de doubler ses efforts pour vraiment faire le suivi de tout ce qui se passe sur le sol burundais. Punir sévèrement toutes personnes qui mettent en avant ses intérêts individuels et mettre en danger les intérêts publics, la santé humaine. Moi, en tant que spécialiste en matière des projets de développement, j'encouragerais les entrepreneurs qui quand même prennent leur temps pour faire des recherches afin de pouvoir vendre des produits de qualité. Et là, maintenant, ça pourra leur permettre même de vendre à l'étranger. C'était le professeur Jean-Marie Vianney Ndolichimaye, analyste spécialiste en droit des affaires. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 80 000 chèvres et plus de 42 000 moutons de la province Bururi sont attendus pour la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants. Celle-ci va durer 12 jours à partir du 14 de ce mois. Les responsables administratifs et techniciens vétérinaires communaux sont appelés à identifier les sites de vaccination dans toutes les zones et à sensibiliser les éleveurs pour la réussite de cette campagne. Les détails avec Zenon Nzambimana. Les animaux domestiques concernés par cette campagne de vaccination sont de nombreux, autour de 80 000 chèvres et 42 000 moutons, selon les données en provenance du Bureau professionnel de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi. Ces animaux de 3 mois et plus seront vaccinés contre la fièvre des petits ruminants au cours de cette campagne de 12 jours qui débutera ce lundi 14 novembre 2022. Comme l'a indiqué Aimable Boutoyi, conseiller à la direction générale de l'élevage, c'était ce mercredi à Bururi au cours d'une réunion de mobilisation provinciale des responsables administratifs et des techniciens vétérinaires communaux sur cette campagne dont les activités se dérouleront dans toutes les zones. Il a souligné que 3 personnes, à savoir un technicien vétérinaire vaccinateur, son aide et un chef de la colline où se déroulera cette campagne, seront disponibles sur chaque site pour exécuter ce travail. Et les sites de vaccination dans toutes les zones seront identifiés par les responsables administratifs en collaboration avec les techniciens vétérinaires communaux. Ces derniers sont appelés également à fixer un calendrier de travail pendant cette période. Aimable Boutoyi appelle également les responsables administratifs et les techniciens vétérinaires à tous les niveaux à sensibiliser les éleveurs pour que tous ces animaux de la province de Bururi concernés par cette campagne soient vaccinés. Juvan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, demande aux responsables à tous les niveaux de travailler convenablement pour la réussite de cette campagne de vaccination des chèvres et moutons contre la fièvre des petits ruminants. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Nzambimana pour ce reportage. La vente des cannes à sucre en mairie de Bujumbura fait vivre les familles. Témoignage de Christa Bella, Ndeshimie, pratiquant cette activité en zone Chibitoke. Son entourage apprécie positivement cette activité, arguant qu'ils font recours à ces cannes à sucre lorsqu'ils en ont besoin. Le point avec Omer Ndouayo. Elle est âgée près d'une trentaine avec 2 enfants, dont un âgé de près de 2 ans et l'autre encore allaité de 11 mois. Nous rencontrons Christabella dans la zone de Chibitoke, là où elle vend des cannes à sucre. Elle raconte que sur un capital de 5000 francs burundais, elle obtient un bénéfice de 2000 francs et se dit satisfaite. Christabella fait ce travail, étant ensemble avec ses enfants, partout où elle se rend. Ceux qui exercent leurs activités tout près du lieu où Christabella fait son commerce saluent cette activité. Ils indiquent que même si elle gagne peu, cela vaut mieux que mendier. Ils affirment que ces cannes à sucre étanchent leur soif quand ils sont fatigués et leur permettent de rester au boulot. Christabella espère changer d'activité et s'installer dans un marché une fois qu'elle aurait un capital un peu élevé. Et oui, en province Muyinga, avoir des enseignants vacataires s'avère difficile pour les directeurs d'école de la province de Muyinga. Ces enseignants exigent que les écoles assurent leur paiement pour atteindre elles-mêmes les primes en provenance de l'État ou demandent des avances, arguant que ce dernier leur doit des impayés de 6 ans. Dans la réunion de ce jeudi avec les différents responsables de cette province, le Premier ministre Gervain Dilakobucha a promis de suivre cette question tout en fustigeant certains chefs d'établissement qui ont gonflé les chiffres dans leur rapport. Nous y reviendrons dans nos éditions de la soirée. Dans quelques instants, l'actualité internationale. Actualité internationale. En RDC, deux élus de l'opposition entendus par une commission parlementaire. Ces deux députés de l'opposition ont été entendus par cette commission. Ils avaient soutenu en août dernier les allégations de l'opposant Martin Fayoulou qui affirmait qu'un député gagne au moins 21 000 dollars américains d'émoluments mensuels. Une somme jamais dévoilée par l'Assemblée nationale. L'affaire avait fait grand bruit dans le pays. Les deux députés Jean-Baptiste Kasekwa et Deli Sesanga sont les seuls à avoir confirmé publiquement qu'ils touchaient effectivement ces émoluments. Jean-Baptiste Kasekwa de l'ECID, le parti de Martin Fayoulou, a donc été le premier à être auditionné lundi par la commission spéciale. Et au Tchad, les diplomates étrangers s'activent en coulisses pour éviter de nouvelles violences. 3 semaines après le bain de sang en marge des manifestations du 20 octobre, plusieurs partis politiques et ONG sont interdits d'activité. Les arrestations se poursuivent et cette situation inquiète les chancelleries étrangères qui tentent d'éviter de nouvelles violences. Point final à ce journal. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Mais avant, permettez-moi de vous faire un rapide rappel de ce qu'en étaient les titres. La République arabe d'Égypte compte construire l'ambassade du Burundi dans sa capitale politique. L'annonce est du numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye. Vous l'avez entendu tout au début de ce journal. Le gouvernement a entamé la fermeture des unités de transformation de jus de gingembre. Ceci a un impact socio-économique sur la population et le pays. C'est du moins l'analyse du professeur d'université Jean-Marie Vianney Ndolichimaye, spécialiste en droit des affaires et en province. Bururi, vous avez entendu que les responsables administratifs et techniciens vétérinaires communaux sont appelés à identifier les sites de vaccination pour la réussite de la campagne de vaccination contre la peste des petits et ruminants. Et voilà, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Au micro, vous étiez avec Raissa Liliane Inamahoro. Mes remerciements s'adressent aussi à Anselme Ilambona pour sa parfaite collaboration technique. Très bonne suite des programmes sur la radio Isanganiro. Au revoir.